quoi ce truc? À côté de ça, même la plus pure mescaline, tu la prends pour de la limonade. Petite...